Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous passons aujourd'hui à la leçon 21. La phrase clé du jour est... Ie, sorehodo demo. Mais non, penses-tu? Le personnage principal de notre sketch, Anna, est une étudiante universitaire originaire de Thaïlande. Anna est arrivée dans un club de karaoké en compagnie de ses amis Sakura et Rodrigo. Écoutons le sketch de la leçon 21. La phrase clé aujourd'hui est... Ie, sorehodo demo. Mais non, penses-tu? Anna, jōzu da ne! Ie, sorehodo demo. Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Sakura a dit à Anna. Anna, jōzu da ne. Anna, tu es douée pour chanter. Anna, tu fais bien quelque chose. Dans ce cas, chanter. Anna signifie Anna. Sakura appelle Anna sans utiliser le terme honorifique. San. Puisque c'est une amie proche. Jōzu est un adjectif qui signifie bon à. Le contraire se dit heta. Dane est souvent placé à la fin d'une phrase lors de conversations entre amis. Da est la forme familière de desu, une manière polie de terminer une phrase. Ne est une particule ajoutée à la fin d'une phrase lorsque le locuteur cherche à obtenir l'accord de celui ou celle à qui il s'adresse. J'ai une question pour vous, Mélanie. Comment diriez-vous « jōzu dane » de façon polie? Lorsque l'on parle de façon polie, on dit « des » au lieu de « da ». Alors, ce serait « jōzu desu ne ». C'est bien ça. Sakura complimente Anna, lui disant qu'elle chante bien. Ce à quoi Anna répond « Ie, sorehodo demo. » Mais non, penses-tu? C'est notre phrase clé aujourd'hui. « Ie » est une réponse négative. « Sorehodo demo. » signifie « pas vraiment ». Dans ce cas, je ne chante pas si bien. « Ie, sorehodo demo. » « Mais non, penses-tu » est une expression qu'on utilise lorsqu'on souhaite être humble et modeste. Ah bon? Ne dit-on pas « merci » si quelqu'un fait notre éloge? Si l'on dit « merci », cela sous-entend que ces louanges sont justifiées. Au Japon, la modestie est une vertu. Il faudra que je fasse attention alors. Existe-t-il d'autres façons d'exprimer la modestie? Oui. Par exemple, si les gens qui vous écoutent vous félicitent pour votre connaissance du japonais, vous pouvez dire quelque chose du genre « Ie, mada mada desu. » « Non, je ne suis pas encore très bon. » Ou « Non, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. » « Ie » signifie « non ».« Mada » signifie « pas encore ». Si vous répétez ce mot et dites « Mada mada », vous mettez de l'emphase. Si vous dites « Ie, mada mada desu. » »« Non, je ne suis pas encore très bon. » ou « J'ai encore beaucoup de chemin à faire », vous exprimez votre souhait d'être humble. Cela vous aidera à obtenir le respect des gens autour de vous. Retournons au sketch. Rodrigo vérifie l'heure et est surpris. « Ah, mo konna jikan desu. » « Regardez, il est déjà très tard. »« Ah » est une expression de surprise. « Mo » signifie « déjà ».« Konna » signifie « à ce point ».« Jikan » signifie « heure ». Des est une manière polie de conclure une phrase. Dans la leçon 3, on nous a enseigné ce que sont les démonstratifs ou mots en koso ado. Konna est-il l'un de ces mots? Oui. En plus de konna, il y a également sonna, tel, tel, anna, comme ceci, cela, et donna, quel type de. Anna est surprise en constatant l'heure tardive. Taihen. Ah, zut. Taihen est un adjectif qui signifie zut. On l'utilise souvent lorsque l'on est confronté à un problème ou que l'on se retrouve en situation difficile. Et pour être poli, on dit taihen des. Mongen ni maniawanai. Je vais manquer le couvre-feu. Mongen signifie couvre-feu. C'est l'heure à laquelle il faut être de retour au dortoir. Ni est une particule qui indique le temps. Ni est employé ici parce qu'il est placé après couvre-feu. Un substantif qui fait référence au temps. Maniawanai signifie ne peut pas arriver à temps. Maniawanai peut arriver à temps se dit maniaimasu. La forme négative de maniaimasu est maniaimasen, ne peut pas arriver à temps. La forme familière de maniaimasen est maniawanai. Comme dans le cas de maniawanai, les verbes qui se terminent en nai sont à la forme dite de nai. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 21. La phrase clé est Ie, sorehodo demo. Mais non, penses-tu? Anna, jōzu da ne. Ie, sorehodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen, mongen ni maniawanai. Passons maintenant à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui les verbes de forme nai, comme maniawanai, ne peut pas arriver à temps. Veuillez nous donner plus de précisions à ce sujet. Interrogeons notre professeur. Laissez-moi vous expliquer comment mettre les verbes de forme mas à la forme verbale nai. Cela permet de changer la forme en masse pour la forme familière négative « nai ». D'abord, si la voyelle de la syllabe placée juste devant « mas » se termine en « e », il s'agit simplement de remplacer « mas » par « nai ». Par exemple, « tabemasu » manger devient « tabenai » ne pas manger. Ensuite, si la voyelle de la syllabe placée devant « mas » se termine en « i », il y a deux modèles. Dans le premier modèle, on remplace « mas » par « nai », par exemple « okimasu ». Se lever devient okinai, ne pas se lever. Dans le deuxième modèle, on enlève mas, on remplace la voyelle dans la syllabe devant mas par a et on ajoute nai. Laissez-moi vous l'expliquer en prenant comme exemple ikimasu, allez. Ici, la syllabe placée devant mas est ki. On remplace d'abord ki par ka, puis on ajoute nai. Donc, la forme nai de ikimasu est ikanai, ne pas aller. Mais après avoir enlevé « mas », si la syllabe placée devant est la voyelle « i » seule sans consonne, alors on remplace « i » par « wa » et on ajoute « nai ». Ainsi, « tsukaimasu » utiliser devient « tsukawanai » ne pas utiliser. Enfin, laissez-moi vous parler d'un verbe qui se conjugue de façon irrégulière. « Kimasu » venir devient « konai » ne pas venir. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Ces gens regardent du sport ? C'est animé, n'est-ce pas ? Oui, ils sont nombreux à crier et à faire du bruit. On exprime cela ainsi. Wa-wa. Wah, wah. Je vois. Écoutez maintenant cette voix. On dirait des filles qui crient pour leur idole. Pour exprimer le son que font ces femmes à la voix au perché, on emploie... Kia, kia. Kia, kia. D'accord. Mais notez bien que si les filles ont peur, elles peuvent aussi dire... Kia. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir... Wa wa et kia kia. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. Je croyais que les Japonais n'exprimaient pas trop leur enthousiasme en public, mais je sais maintenant qu'ils sont différents lorsqu'ils vont au karaoké. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous nous sommes rapprochés. La leçon 21 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Ie, sorehodo demo. Mais non, penses-tu? Anna parviendra-t-elle à revenir au dortoir avant le couvre-feu? Nous le saurons dans la prochaine leçon. Alors, ne la manquez pas.